De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et on va maintenant plonger dans la science de l'énergie nucléaire. On se souvient que le Québec a fermé la centrale nucléaire de Gentilly 2 en 2012 et au début 2024, on avait entendu le ministre Pierre Fitzgibbon envisager la réouverture de cette centrale pour parvenir à la décarbonation du Québec en 2050. Et à côté de ça, il y a un nouveau type de centrale nucléaire qui suscite de l'intérêt au Canada et ailleurs. Ce sont les petits réacteurs modulaires. Et le Canada a un plan d'action pour le développement de ces petits réacteurs. Alors, pour rappeler ce qu'est l'énergie nucléaire et expliquer peut-être pourquoi ce regard d'intérêt de l'énergie nucléaire en vue de la décarbonation, eh bien, j'ai invité Olivier Bernard à nous expliquer tout ça. Il est étudiant au doctorat en physique à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Olivier. Bonjour Valérie. Alors, quand on parle d'énergie nucléaire, on sous-entend les mots fusion nucléaire, fission nucléaire. Les deux mots se ressemblent, mais ce sont des réactions complètement différentes. Est-ce que tu peux nous aider à nous expliquer ce qu'est la fusion et la fission nucléaire? Oui, la fusion, en fond, c'est le nom dit très simplement fusionner dans la matière ensemble. Et souvent, on va prendre de l'hydrogène, par exemple. Ou bien, vous direz un GH. Du deutérium, qu'on va appeler l'hydrogène 2, puis du thorium, qui va être l'hydrogène 3. Avec suffisamment d'énergie, ben, les deux atomes vont se fusionner ensemble sans faire de l'eau ou d'autres matériaux, dépendant de la quantité qui fusionne. La fission, ben, c'est le cœur atomique de l'atome, souvent ça va être de l'uranium, qui va se fisser. Il va y avoir une fissure, puis il va y avoir des éléments qui vont partir, par exemple des protons, des électrons ou de la lumière carrément. C'est ça la différence entre les deux principalement. Donc la fusion, comme le nom le suggère, on fusionne deux éléments pour en faire un autre. Et la fission, on scinde finalement un élément pour en faire deux autres plus petits. Mais ce qui est surprenant, bon, en fait, dans les centrales nucléaires, c'est la fusion qu'on... Non, la fission qu'on utilise. J'allais confondre. Donc c'est la fission qu'on utilise. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces deux réactions qui sont a priori assez opposées l'une et l'autre, puisqu'il y en a une, on fusionne et l'autre, on fissionne, ces deux réactions génèrent de l'énergie. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pour la fission elle-même, ben, on laisse le matériau évacuer ces éléments. Fait que la lumière, le photon, les électrons, ils vont frapper une paroi, partout près de l'eau. C'est comme ça qu'on récupère l'énergie nucléaire de la fission. La fusion, c'est un peu plus subtil. Parce que oui, on doit injecter de l'énergie pour faire fusionner la matière, mais il y a quand même l'énergie qui retient les éléments de l'atome ensemble. Les protons, les électrons, et l'énergie là-dedans, l'énergie potentielle. Là, quand on fusionne cette matière-là ensemble, ben, on n'a pas certains éléments, certains liens, par exemple magnétiques ou atomiques, qui vont être brisés pour pouvoir le construire. Mais là, lorsqu'ils sont brisés, ils vont émettre beaucoup d'énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on va récupérer au final. Okay. Dans la fusion. Donc, on a besoin d'énergie pour faire fusionner les deux éléments, mais cette fusion, d'un autre côté, bon, il va y avoir certains liens qui vont s'établir, mais qui on va en briser d'autres et on va récupérer cette énergie-là finalement. Et ce qu'il faut, c'est que l'énergie qu'on récupère à la fin soit supérieure à celle qu'on a fournie pour fusionner. Oui, tout à fait. Sinon, ben, sinon c'est de perdre d'énergie, là. C'est sûr que la fusion, c'est encore un projet au long terme en ce moment. Ouais, d'accord. Donc on va s'attarder davantage sur la fission là pour le moment. En fait, pour la fission, donc c'est quoi le principe? Donc c'est-à-dire la fission, la réaction sur laquelle reposent les centrales nucléaires en activité actuellement. Donc c'est quoi le principe d'une centrale nucléaire? En ce moment, le principe, Comment ça marche? c'est très similaire aux centrales hydroélectriques, parce qu'on va utiliser de l'eau au final. La différence, la centrale hydroélectrique, on fait tourner des turbines avec de l'eau de rivière, par exemple, ou d'un fleuve. Pour la fission, on fait bouillir de l'eau. Cette eau-là qui bout, ben, ça devient de la vapeur, puis lorsqu'on la concentre pour avoir une pression suffisamment élevée, ben, ça fait tourner des turbines. Fait que, par exemple, on a un circuit fermé. Donc, une boucle. Dans la boucle, il va y avoir le cœur nucléaire, sur lequel l'eau qui va bouillir va passer dessus. L'eau liquide devient un gaz. Le gaz va continuer son chemin dans les tuyaux qui vont concentrer la pression. Si la pression est suffisamment élevée, on va faire passer cette vapeur-là dans les turbines. Ils vont tourner, ça va générer de l'électricité. Une fois la vapeur a passé au travers des turbines, on va la faire passer dans un bout de tuyau qui est très froid pour faire liquéfier l'eau à nouveau. Et on va réinjecter ou renvoyer sur le corps nucléaire. On fait tourner cette boucle-là à l'infini, dans le fond. D'accord. Donc là, l'énergie nucléaire, finalement, elle sert à produire de la chaleur pour faire bouillir l'eau. Ouais. Dans ce cas. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est utilisé là? Tu disais, bon, la fission, on part d'un élément et on le scinde en d'autres éléments plus petits. Donc là, concrètement, c'est quoi qu'on utilise? Est-ce que c'est là qu'on utilise l'uranium dont on entend Oui, parler? exactement. Fait qu'on va avoir des grands tubes, ben, des grands tubes remplis d'uranium. En anglais, on parle des uranium rods, par exemple. C'est ça qu'il va en avoir plusieurs, ça va former le un cœur nucléaire. Il peut en avoir plusieurs, un à autant de fois qu'on en veut dans une centrale nucléaire. Ça dépend de la grandeur de la station. Fait que souvent, ça va être de l'uranium. Peut-être du plutonium éventuellement. Puis c'est sûr que les déchets nucléaires pourraient être récupérés éventuellement. On va en parler par la suite, j'imagine, là. Mais oui, il y a des déchets nucléaires qui peuvent être comme le plutonium, notamment, comme je disais, pour faire des armes dans la guerre froide. Ben, ça reste une matière radioactive hyper intéressante pour faire aussi de l'énergie. Parce qu'elle est beaucoup moins stable que l'uranium, donc elle est beaucoup plus facile à faire exploser que l'uranium. Mais en fait, ça se sent dans quoi, là? L'uranium, il se sent dans quoi comme élément? On commence avec l'uranium-243. Avec le temps, c'est l'uranium-243, on a de l'uranium-242, 241, 39, ainsi de suite, quand il va perdre des éléments, des protons, des électrons. Mais à la fin de sa vie, ça devient du plomb. Mais il y a Ah, un d'accord. des byproducts. Ça peut aussi devenir du plutonium, pendant qu'est-ce qui est scindé ou qu'est-ce qui part de l'uranium en premier. Le plutonium, c'est comme un des déchets aujourd'hui, mais qui est encore très radioactif. D'accord. Donc c'est là le souci qu'on a avec l'énergie nucléaire, c'est la radioactivité des déchets du plutonium notamment. Donc justement, en fait, comment on fait pour sécuriser une centrale nucléaire là? Donc il y a ce cœur de la centrale avec les bâtons, les tiges là d'uranium qui doivent émettre des radiations. Comment on fait pour protéger l'environnement alentour? Ben, c'est plusieurs couches de matériaux qui sont très dedans. Fait que le plomb, tu sais, c'est à la fois la fin de vie de l'uranium, mais c'est aussi qu'on utilise comme coque protectrice du cœur. Le plomb mélangé avec d'autres matériaux, d'autres d'acier, qui sont des alliages très particuliers pour absorber le maximum d'énergie nucléaire. Pour que l'énergie, ben, soit utilisée que pour faire évaporer l'eau. Fait que là, c'est la première couche qui va maintenir le cœur. Ensuite, ben, il y a un système ou un environnement autour dans lequel les gens vont se promener un peu. On doit faire la maintenance de ces appareils-là. Donc, il va y avoir une deuxième coque. Il va toute cette salle-là de maintenance et pour contenir le cœur, se met le premier cœur, s'il ferme, ben, il va y avoir une deuxième couche qui va maintenir ou protéger l'environnement. Et ensuite, ben, il y a tout le bâtiment en béton qui englobe tout ça. C'est plusieurs. Là, on n'en parle que trois, mais pendant la station, il peut en avoir beaucoup plus, mais il y en a toujours au moins minimum, quoi, dans tout ça. Puis là, l'eau, en fait, bon, qui est chauffée, qui s'évapore, qui devient de la vapeur et qui est refroidie ensuite pour retourner dans la boucle, elle n'est pas en contact avec la radioactivité. La chaleur est transférée, mais pas avec un contact direct. Exact. De toute façon, cette eau-là, qui est constamment en vapeur, elle n'est jamais relâchée dans la nature normalement. On la garde dans un système fermé, un circuit. Elle va être évacuée. C'est sûr qu'il faut la changer une fois de temps en temps. Mais quand on l'évacue, on vérifie son activité radioactive, nucléaire, pardon. Là, une fois que ça s'est vérifié, on peut décider si on la relâche dans la nature ou pas. Parce qu'idéalement, on ne relâcherait pas de l'eau radioactive. Et ensuite, on ne relâcherait pas de l'eau qui est chaude non plus, parce que ça va tout bousiller l'écosystème, là. C'est pas super, là. Oui, effectivement. Et alors, ces fameux déchets là de plutonium, qu'est-ce qu'ils deviennent? On en fait quoi? Malheureusement, on fait rien avec ça. On les met dans des, on a appelé un Ah. château de plomb, par exemple. Fait que c'est juste un gros morceau de plomb dans lequel on va mettre le déchet radioactif. On va fermer le château de plomb. Et dépendamment de l'endroit, des normes qui sont respectées, puis dépendant de quelle sorte de château qu'on va bâtir, soit que ça va être dans une piscine d'eau lourde, donc il n'y a pas de neutrons qui peuvent taper, la matière radioactive, donc il n'y a pas de risque que ça s'emballe puis ça explose. Autrement, ça peut être un château avec de l'eau lourde intégrée à l'intérieur, puis ça peut être laissé sur des sites extérieurs. Donc, c'est un peu c'est très emmerdant de pas réutiliser nos déchets radioactifs parce qu'ils sont encore utiles en ce moment. L'inconvénient, c'est parce que durant la guerre froide, ben, le plutonium, comme je disais tantôt, c'est utilisé pour les armes. Depuis la guerre froide, les États-Unis ont été parmi les premiers qui ont interdit l'utilisation, le recyclage du plutonium. C'est trop instable. Mais là, depuis, il y a un gros tabou. Les gens, on peut pas réutiliser ça, puis on voit ça comme un danger hyper mortel. C'est vrai que ça l'est si on l'utilise comme une arme nucléaire. Mais c'est pas obligé d'être une arme nucléaire. On peut utiliser dans les nouveaux types de moteurs, des breeders ou MRA, ou RMR, OMR. En fait, ils fonctionnent exactement ces nouveaux moteurs-là, mais c'est des moteurs qui sont extrêmement stables, sont vraiment moins chers à fabriquer, ils sont plus efficaces, mais ils ont besoin des déchets, pas nécessairement d'uranium. D'accord. Donc il y a quand même des contraintes qui viennent avec les centrales nucléaires. Bon, c'est quand même des grosses bâtisses, des plusieurs coques de protection. Faut gérer les déchets. Donc quel est l'intérêt en fait d'utiliser cette forme d'énergie et pourquoi un peu ce regain pour l'énergie nucléaire? Ben, c'est juste tellement efficace en comparaison. En ce moment, sur la planète, à peu près 3/4 de l'énergie mondiale, c'est du charbon ou du pétrole qu'on utilise. Mais pour 1 kilo d'uranium, on parle de millions de kilos de charbon et ou de pétrole en termes d'efficacité Ah ouais. énergétique. Ça produit la même quantité d'énergie? Ouais, pour 1 kilo d'uranium, on peut produire la même quantité d'énergie, même plus que des millions de kilos d'huile ou de Ah charbon. ouais. C'est incroyablement Ah ouais. efficace. Une fois que ton système, que le système est en place, c'est pas très cher à faire rouler ensuite. C'est pas très coûteux. Le plus cher, c'est la maintenance. Ça va à travers les équipes techniques. Souvent, les morceaux, on en a déjà en réserve pour réparer. Ça, c'est dans les coûts initiaux de la centrale nucléaire. Et enfin, c'est tellement efficace d'un point de vue énergétique. Là, on va parler du côté environnemental. Pour ce qui est de carbone, ces choses-là, ça produit à peu près le même nombre de tonnes de CO2 ou de tonnes de gaz à effet de serre que nos centrales hydroélectriques au Québec. Environ par kilowatt-heure produit de centrales nucléaires. Ah ouais, donc beaucoup moins que les centrales au charbon Ah, aussi. c'est même pas comparé, là. C'est pas comparable, c'est ça. Ça fait que les centrales nucléaires ont l'inconvénient d'émettre donc des déchets radioactifs, mais les centrales au charbon ont l'inconvénient d'émettre des déchets sous forme de CO2, et pour l'instant, c'est ça qui nous menace, hein, en fait. Ouais. C'est quand même le CO2 qui nous menace. Donc, les centrales nucléaires, c'est pour ça peut-être ce regain d'activité là en vue d'une décarbonation. C'est parce que, bon, d'une part, elles produisent de l'énergie de façon concentrée et en émettant très peu de GES. Parce qu'on pourrait dire, et là, le côté concentré, c'est intéressant aussi par rapport aux éoliennes ou aux panneaux solaires qui demandent des grandes surfaces aussi pour produire de l'énergie. Ouais, et ce qui est malheureux des éoliennes, des contrastes, ils ont besoin de beaucoup de surface, mais leur avantage, c'est qu'en termes de coûts, ils sont beaucoup moins chers à produire, c'est beaucoup plus accessible pour la plupart des pays. Oui. C'est les pays en Afrique notamment qui n'ont pas nécessairement les ressources scientifiques et monétaires pour faire une centrale nucléaire. Ben, faire des panneaux électriques, faire les éoliennes, c'est vraiment plus avantageux que d'un coup. On peut en faire n'importe où, dans les montagnes, dans les déserts. Oui. Pour un nucléaire, on a besoin d'un point d'eau. On n'a pas le choix. Ouais. Pour refroidir. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Puis un projet éolien, on peut le bâtir presque éolienne par éolienne. On n'est pas obligé d'avoir bâti le parc en entier d'éoliennes pour produire de l'électricité. Là, quand on a 10 éoliennes, on peut commencer à produire. Alors que la centrale, là, c'est vraiment un projet, faut le bâtir au complet, là. On ne peut pas y aller progressivement. Non, Donc, c'est ouais. aussi un autre avantage. Ouais. Donc, il y a quand même des avantages à l'énergie nucléaire en termes d'efficacité énergétique et en termes environnementaux. Mais il y a quand même des risques d'accident. On se souvient quand même de Tchernobyl, on se souvient de Fukushima. Comment on met ça en parallèle? Ouais, c'est super intéressant. C'est une des questions qui m'avait un peu, moi, qui m'a beaucoup accroché personnellement. On va commencer avec Tchernobyl parce que c'est lui qui a marqué l'imaginaire. C'est incroyable. Tchernobyl, c'est la seule station qui a explosé. Puis, C'est aussi la seule station qui pouvait exploser. Donc, on est quand même à 100% d'explosion. Mais l'idée, c'est que c'était durant la guerre froide, les Russes n'avaient pas accès à beaucoup de mines d'uranium ni de plutonium. Une des façons qu'eux, ils généraient leur plutonium, c'était avec des stations nucléaires. Donc, leur moteur était plus instable, mais produisait une plus grande quantité de déchets de plutonium. Et ils pouvaient faire des bombes avec ça. L'inconvénient, c'est que ça fait du plutonium dans leur réacteur nucléaire. Là, avec ça, ils ont une équipe, c'est pendant un soir qui est arrivé. L'équipe de soir, ben, était pas préparée, n'était pas bien formée dans les mesures de sécurité. Donc là, il y a eu beaucoup de manquements en termes de formation, sécurité. On ne peut pas dire CSST qui n'existait pas à l'époque là-bas. Fait que ça, plus le type de moteur, plus les jauges de guerre qu'il y avait qui permettaient pas de réaliser à quel point c'est dangereux la situation, puis ils l'ont négligé. Qui a atteint un point critique, ça a amené à l'explosion de la centrale nucléaire. En comparaison, toutes les centrales du monde, à part celle en Russie, c'est des modèles, donc comme aujourd'hui, c'est des modèles qui ne génèrent pas beaucoup de déchets. En tant que tels, ils sont très stables, beaucoup plus d'eau lourde à l'intérieur. Puis le type, la forme des rods elles-mêmes sont faites pour ne pas s'emballer, mais pour fondre si jamais il y a un problème. Puisqu'ils vont Ah oui. ainsi fondre, puis ils regardent pas leur forme, puis c'est pas un emballement thermique et nucléaire qui se produit, c'est pas un effet d'avalanche, ça creusera pas. Pour Fukushima qui est plus récent, Fukushima, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a eu un peu de négligence du côté de la compagnie qui s'en occupait, du gouvernement japonais. Le bâtiment était endommagé de base. Là, quand en 2011, il y a eu un tsunami, je pense que c'était 9 ou 4 sur 5, là, les tremblements de terre, puis ensuite, il y a eu un tsunami, c'était énorme. Mais Daiichi 4, si je me souviens du nom, à Fukushima, le cœur s'est fait exploser, il a ouvert en deux. Mais c'est bien de noter sur le côté aussi que il y a eu 5 autres stations, 4 autres stations nucléaires qui ont été frappées par le même tsunami. Ils n'ont pas été endommagés, ces bâtiments-là. Ah oui. Ouais, c'est vraiment le bâtiment qui a ouvert, c'est un bâtiment qui a eu de la négligence de maintenant. Le bâtiment n'a pas été mis à jour. Il y avait déjà des faiblesses dans la structure qui n'ont pas été corrigées. Il faisait un moment, des rapports qui disent que ça faisait plusieurs années que le gouvernement il demandait les réparations, que ça prenait de la part. Là, ben, le tsunami est arrivé, ça a ouvert le cœur. Puis heureusement, grâce à... C'est malheureux, grâce à ce d'anciens pompiers et de personnes retraitées, ben, le cœur il a été maintenu froid. Puis il a fondu, puis ils ont sauvé la situation, mais... D'autres stations qui ne devraient jamais arriver. Ouais, ensuite, les normes nucléaires sont des stations qui sont très facilement évitables, mais c'est de suivre les normes nucléaires. Ça peut être, les coûts initiaux est hyper élevés de mettre ça en place. Mais on voit quand même que dans ces deux accidents, il y a eu, on va dire, une erreur humaine dans les deux cas où... Et on n'est pas à l'abri que d'autres erreurs humaines se reproduisent, même si les centrales ne sont pas sur le même modèle que la centrale de Tchernobyl. On n'est pas à l'abri quelque part qu'une erreur humaine se reproduise ou que la maintenance ne soit pas appliquée à la lettre et qu'il y ait une fragilité Ouais. dans une centrale. On peut pas non plus l'évacuer. Donc ça, c'est pour la fission. Maintenant, on pourrait parler de la fusion. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la fusion si ça a l'air compliqué à mettre en place et que si finalement, si la fission est quand même assez efficace et ne produit pas beaucoup de CO2? La fusion, en partant, c'est déjà, quand on va parvenir à la maîtriser, c'est encore plus efficace que la fusion. Fait que, tu sais, on parlait de 1 kg d'uranium pour faire des millions de kilos de charbon. Pour la fusion, on parle de kilos de gaz. C'est là, ça 10 fois plus efficace que la fusion. Donc, déjà, d'un point de vue énergétique, c'est intéressant. Juste le phénomène lui-même. C'est la fusion elle-même est 4 à 10 fois plus puissante que la fission nucléaire. On peut voir ça un peu comme le feu en comparaison à de la rouille. Si les deux procédés chimiques arrivaient ou se produisaient au même rythme, la rouille est beaucoup plus forte, beaucoup plus, d'un point de vue énergétique, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus puissante que le feu. Là, c'est si on les mettait à la même échelle, là, disons, à la même vitesse d'exécution. Mais c'est un petit peu ça, le fission-fusion. La fission, c'est comme un peu le feu. C'est hyper impressionnant, c'est super chaud. Mais la fusion, c'est un peu comme la rouille. si on le mettait à la même tête que le feu. C'est moins flashy, c'est moins impressionnant, mais c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue énergétique. Ça coûterait, initialement, pour l'instant, on est encore en recherche, ça coûte plus cher. Maintenant que ça va être mis en place, ça va être beaucoup moins cher à rouler. Il n'y a pas de danger d'explosion parce que les déchets, c'est de l'eau. Fait que, c'est, pas envoyer de Il n'y a pas de l'eau. déchets radioactifs. Ben, il y en a Il n'y a quelques pas peu. de déchets radioactifs. Puis, il n'y a pas d'émissions de CO2 non plus. Non, il n'y en aura pas. Ça va être des vapeurs d'eau ou d'eau liquide. Fait que, tu sais, s'il y a un problème, si la station de fusion brise, alors, ça veut dire qu'on a les lasers ont brisé ou le plasma, il a arrêté de fonctionner. Fait que, tout shutdown, tout arrête. C'est le pire qui va arriver avec cette station-là, normalement. Alors, en ce moment, en fait, c'est même ça qui survient. Quand il y a des stations où il échoue, ben, il y a de l'eau. Pour la zone de la fusion laser, il y a de l'eau au sol, puis les lasers, ils fonctionnent pas. Et pour ce qui est des trucs qui sont connectés des plasmas, ben, c'est juste que la fusion arrête. La centrale nucléaire, ben, dans le noir, c'est pas d'électricité. C'est pas, Il nous reste plus beaucoup de temps là, mais est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça marche? Parce que tu nous parles de Ah laser, oui. de plasma, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais. Bon, pour ça rapidement, les lasers, on l'utilise, c'est drôle de parler d'hydrogène. On a des petites poches d'hydrogène, par exemple, ou des boules d'hydrogène, qui sont enfermées dans des structures d'hydrogène, par exemple, ou un matériau très spécifique. On envoie les lasers directement là-dessus. Là, avec assez d'énergie, donc, si on avait des lasers rayons X, on aurait assez d'énergie pour faire la fusion. Là, en ce moment, on a des lasers qui sont 1000 fois moins puissants. En ce moment. C'est pour ça que c'est aussi difficile pour les lasers, parce qu'on doit utiliser un miroir pour faire rebondir le laser sur lui-même pour avoir ce laser-là, rayon X. Mais c'est indirect. On prend beaucoup d'énergie. Si on avait rayon X directement dessus, on aurait assez d'énergie pour faire la fusion. Très, très, très rapidement. Autre option, on utilise des champs magnétiques très puissants. On parle de dizaines de Tesla. Pour vous rappeler, la centrale du champ magnétique de la Terre, c'est point, c'est un mini Tesla. C'est 0,001 Tesla. On parle de dizaines de Tesla. C'est des centaines, des milliers de fois ce que la Terre nous donne. Et ça, on l'utilise pour contenir un plasma. Les aurores boréales, c'est un exemple de plasma, par exemple. Ça, c'est super énergétique. Si on fait un plasma d'hydrogène, ce plasma-là, lorsqu'on a un champ suffisamment fort, on peut monter la température interne. Si la température est assez haute, il y a la fusion qui va se produire. Pour revenir au laser, lorsque la température est assez haute ou la pression, avec la pression photonique qu'on appelle, que la lumière appelée, il va y avoir de la fusion. Dans les deux cas, c'est deux procédés qui se produisent au cœur des étoiles, par exemple. Le Soleil en fait, toutes les étoiles en font, de la fusion nucléaire. Puisque les étoiles sont tellement massives que la pression est extrêmement élevée au sein de leur cœur. Ils vont écraser la matière, l'hydrogène, ça va faire de la fusion. Très naturellement. Il y a tellement de masse qui pousse que ça monte la température aussi. Et nous, grâce au champ magnétique ou à des lasers, on est capable de faire la même chose, mais avec beaucoup moins de masse, localement. C'est super intéressant, là. Ouais, effectivement, c'est super intéressant, mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est que c'est encore en développement. On n'est pas prêt d'avoir nos premiers kilowattheures produits par fusion nucléaire. J'ai l'impression qu'il va falloir être un peu patient. Oui, tout à fait. Le laser, on parvient à peine à faire du 1 pour 1, si on injecte de l'énergie. Ce qu'on recueille, Ouais, c'est ça. c'est l'équivalent. La technologie avec des plasmas, qu'on appelle des tokamaks, c'est à peu près les mêmes rendements. L'énergie qu'on injecte est environ la même que celle qu'on recèle. Mais c'est bien pour l'instant parce que c'est du 1 pour 1. C'est centrale nucléaire à fission, on utilise la matière travaille toute seule. On n'a pas beaucoup d'énergie à injecter dans ça. La fission a fait tout ça. La fusion, on doit le forcer. Je vois ça un peu comme la fission, c'est un petit peu comme laisser le vent sécher nos vêtements. Mais la fusion, c'est comme travailler la terre, c'est comme être un fermier. C'est qu'il y a de l'énergie à mettre à l'intérieur, mais on va recueillir à la fin de la journée plein de trucs qui vont être super bénéfiques pour nous. Alors on va voir, on va suivre le développement de ces recherches là sur la fusion nucléaire. En tout cas, merci Olivier de nous avoir éclairé nous avoir permis d'y voir plus clair sur l'énergie nucléaire, donc la fusion et la fission. Merci beaucoup Merci beaucoup Olivier. Valérie de ton temps. Alors nous étions en compagnie de Olivier Bernard, qui est étudiant au doctorat en physique à l'université de Sherbrooke. C'est tout pour aujourd'hui et c'est le temps de passer le micro à Calypso Lemoine et à son émission En aparté pour vous accompagner pour la prochaine heure sur CKRL 89.1.